serviette d'un vet qui revoit dans sa tête les hélicos qui passent et aux terrasses de Saigon des Fiagiai, les méchants et les bons. C'est juste un détail au musée des canons. Je suis la fille du bain, je me la joue Marilyn. Je suis restée à la gare, j'ai jamais crevé aucun screen. Star de New Orleans, je suis fière de mon talent. Je suis juste un détail au musée des faux semblants. Au-dessus de mon âme, un ciel fait pour les aigles. Au-dessous de mon corps, la terre dicte ses règles. Entre les deux, j'avais le choix, j'avais le droit. J'ai décidé de plus jamais regarder vers le bas. Sur le bord du highway, tu chantes Happy Birthday. Ta cam, ça s'appelle liberté. Tu grimpes près des montagnes, t'as pas de rideau au cœur. T'es juste un détail au musée des bikers. Je suis ce Vietnam vet, remords de l'Amérique. Je suis le rêve qui reste, je suis l'émir et le mythique. Je suis rouge et blanc, une étoile bleue au front. Je suis juste un détail, un peu d'amour au fond. De toutes les religions, de toutes les couleurs, je suis juste un détail au musée des bikers. Je grimpe des montagnes, j'ai pas de ride au cœur. Je suis juste un détail au musée des bikers. Au musée des bikers. Bye.